Section 11, chapitre 21, 22 et 23. Chapitre 21, où l'on achève de tirer la grenouille. Notre pauvre histoire se débrouillera comme elle pourra au milieu de cette foule. Si le lecteur trouve qu'elle ne se débrouille pas beaucoup, nous lui ferons observer avec calme que nos personnages sont noyés dans la cohue, qu'ils se cherchent et ne se trouvent pas, que les uns regardent les faiseurs de tours, tandis que les autres, amis de la fricassée, entourent la poêle frémissante, que d'autres tirent la grenouille, que d'autres encore essaient de marcher sur le mât horizontal et tremblant qu'on a frotté de savon de bout en bout. Le frère Bruno, soyez-en certain, raconte à quelqu'un quelque bonne aventure. Jeannin le malheureux se cassa la tête à rêver politique, un si brave homme. Dame Joseph cause avec Madame Reine, qui surveille Jeannine, qui pense à Aubry, qui essaie d'écouter Berthe, qui ne sait plus ce qu'elle dit. Javotte regarde Marcou, lequel est aux trois quarts écartelé. Bonne poigne. Ferragus et Dame Loïse gambadent dans les grands jardins du Déron. La vieille suivante de la douairière, son vieil écuyer et son vieux faucon dorment dans trois coins. Bref, chacun est à son affaire. La vue de la bannière rouge pailletée d'argent rabattit tout d'abord le caquet de la foule qui entourait la baraque fermée du bonhomme Rémy. La bannière était trop loin encore pour qu'il fût possible de distinguer la devise et les armoiries, mais personne n'avait tenté d'émettre un doute. C'étaient bien les gens des îles. Le bonhomme Rémy dut croire un instant qu'on allait le laisser en repos et qu'il en serait quitte pour la perte de sa recette. Mais la troupe d'hommes d'armes, après avoir caracolé un instant dans la plaine, tourna un coude de la rivière et disparut dans la direction des Grevets. Tout aussitôt la foule de retrouver courage. « Et que nous fait l'homme de fer ? » demanda-t-on. « Un mécréant va-t-il empêcher des chrétiens de se divertir ? Oh, vrai Dieu, le païen ne nous fait pas peur. Allons, Rémy, bonhomme Rémy, ouvre ta cahute ou gare à toi. » Le bonhomme Rémy eut beau larmoyer, le Gersias eut beau agiter sa massue en roulant des yeux épouvantables, fier à bras eut beau se retrancher dans sa dignité de gentilhomme, il fallut obéir. La foule se rua sur la galerie et entra de force. « Orsa, manant, dit le nain, nous défendrez-vous au moins si l'on nous attaque ?» Une belliqueuse clameur lui répondit affirmativement, et la représentation commença. Ceux qui ne purent trouver place se replièrent du côté du pont et augmentèrent l'énorme masse d'amateurs entassés autour de la grenouille. On tirait toujours Gabillou pour les Normands, Marcou pour les Bretons. Et c'était chose terrible à voir. Les deux attelages s'étaient allongés, ils débordaient du pont dans la plaine. Marcou et Gabillou, le visage en feu, les veines gonflées, les yeux hors de la tête, n'essayaient plus de cacher leur torture, mais ils ne lâchaient pas prise. Les deux premiers tenants de Marcou étaient Pello le Bouvier et Matelin le pasteur des Gorets, tous deux du rose. Ils supportaient juste la moitié de la traction qui pesait sur le pauvre corps du page. Et cette traction ainsi dédoublée leur arrachait à chaque instant des cris de douleur. Marcou, lui, ne criait pas. Il est vrai que Javotte criait mi-Jésus pour lui, pour Gabillou et pour toute l'assistance. Mais aussi l'enthousiasme était au comble parmi les amateurs. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu une grenouille si belle. Les ménagères parlaient déjà de Josie Bénou, du bourg de la Rive, qui avait été frappée de mort subite en défendant la grenouille à cette même place, et de Julien Régnier, qui avait laissé ses deux bras après la barre, de telle sorte, disaient les ménagères, qu'il rapporta un tronc sanglant à sa pauvre femme qui l'attendait au logis. « Et faites donc les blés noirs sans bras, ma Jeannette. Et vannez donc les orges, la Suzon. Ah, les hommes, dire qu'ils sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Jamais ils ne pensent aux pauvres femmes. » C'était pourtant Josile Bénou qui était mort, et Julien Régnier qui avait perdu ses deux bras, mais les ménagères plaignaient les pauvres femmes. « Oh là là !» criait la petite Joanne, « voilà Gabillou qui tire la langue, pas moins. La vilaine langue qu'il a, et qu'il la tire longue, mon Dieu donc !»« Hardi, Gabillou !» clamèrent les Normands une fois encore. C'était la fin, Gabillou et Marcou étaient littéralement prêts à rendre l'âme. Les deux attelages firent un suprême effort, le sang partit sous les poignets crispés de Gabillou. « Tu n'es qu'un failli merle, » dit Marcou d'une voix haletante, « ton sang ne tient pas dans ta peau. Tirez, allez, haïdour, hidonc, haïté !» La tête de Gabillou tomba sur ses bras tendus, le blanc de ses yeux était pourpre. En ce moment, Berthe de Morvert, Madame Reine et Jeannine se montrèrent sur la terrasse du Déron. Bretagne, Bretagne ! Cria Marcou épuisé. Tiens, tiens, dit un manant dans la foule, voilà la belle Morvert que l'homme de fer a juré qu'elle serait sa femme. La tête de Marcou se releva, il chercha des yeux le parleur. Après, répliqua un Normand, ce n'est qu'une Bretonne. L'homme à la barbe bleue en a épousé de plus nobles et de plus belles. Tu en as menti, toi ! Râla Marcou, furieux. Par une secousse désespérée, il arracha la barre des mains de Gabillou. Les deux camps rivaux, comme cela arrive invariablement, saisis à l'improviste par le contre-coup, tombèrent pêle-mêle dans la poussière. Marcou seul se dressa sur ses pieds, un démon. Il brandit la lourde barre qui s'échappa de sa main en sifflant et alla fracasser le crâne du Normand qui avait dit « L'homme à la barbe bleue en a épousé de plus nobles et de plus belles. » Partie nulle, grenouille manquée, il faut en effet tenir la barre à la main jusqu'à ce que les deux camps se soient relevés. C'est la règle. La raison, les règles se moquent toutes de la raison. Elles n'ont pas tort. On emporta le Normand à la tête cassée, on emporta Gabillou qui était sans connaissance, Marcou à la boire, et l'on recommença une nouvelle grenouille. Aïdour ! La plaine, cependant, des deux côtés du Couesnon, s'emplissait de cavaliers. C'était l'heure de la fête noble. Français et Bretons venaient étaler leurs belles armures aux rayons du soleil couchant. Autre façon de lutter, entre voisins, on ne fait que cela. Parmi les cavalcades qui manœuvraient à droite et à gauche de la rivière, trois surtout étaient fort remarquables. Deux sur la rive droite, en Normandie, une sur la rive gauche, en Bretagne. La première se composait de chevaliers français. Par tout pays, elle eût été illustre et brillante. Les noms y resplendissaient bien plus encore que les armures. C'étaient du reste presque tous les nouveaux titulaires de l'ordre de Saint-Michel. Le duc de Guyenne, le duc de Bourbon, le connétable de France, comte de Saint-Paul, Sancerre, Beaumont, Châtillon, Estouteville, Loéac et Chabannes, le sire de Bourbon, amiral de France, Dammartin, Comminges, Crussol, Bouillon, La Trémoille et d'autres. La seconde cavalcade était formée, disait-on, des hommes d'armes des îles Chausey. C'était elle qui portait cette bannière écarlate pailletée d'argent, dont la seule vue avait effrayé les pratiques du bonhomme Rémy, la bannière du comte Otto Beringhem. La troisième le disputait assurément à la première, car les chevaliers de Bretagne valaient bien les chevaliers de France. Noble et fière contrée, qui n'a plus de nom que dans l'histoire, terre royale et ducale, qui fut conquise par les tabellions de cour et les recors d'antichambre, parce que la lance s'était brisée, parce que l'épée s'était tordue en touchant sa cuirasse de fer, pays des saints, des poètes, des soldats, patrie du dévouement héroïque et de la sacrée fidélité, ils étaient là, autour de l'écusson d'Hermine, Clisson, Rohan, Dreux, Coulaines, Pleuc, Coëtlogon, Chateaubriand, Tanguy du Chastel, Rieux, Porouette et Dunois, vieillards qui avaient trouvé un asile à la cour de François II. Ils étaient là, Montauban, Coëtivy, Guébriand, Saint-Luc, Penthièvre et Beaumanoir, Avaugour et Vertus, les fils des ducs, Blois et Laval, les cousins du roi, Montbourcher, Malétroit, Matignon, Léon, Rochefort. Les deux troupes n'étaient guère séparées que par le canal large et plat qui pourrait contenir un grand fleuve, mais où le Couesnon a grand-peine à couvrir les cailloux de son lit. Elle semblait s'observer et se défier. Jeannin, toujours seul, appuyé contre le parapet du pont, les suivait de l'œil, enfoncé qu'il restait dans sa méditation laborieuse. Il regardait tantôt les chevaliers des Fleurs de Lys, tantôt les chevaliers de l'Hermine, et une pensée voulait se faire jour dans son esprit. Comme elle allait naître enfin cette pensée, une rude main s'appesantit sur son épaule et la voix du frère Bruno, qui n'avait pas parlé depuis une grande minute, s'éleva toute joyeuse. « À la bonne heure !» disait l'excellent frère. « Je te trouve à la fin des fins, petit Jeannin, mon ami. Ce n'est pas malheureux. Je croyais que j'allais faire le pied de grue aussi longtemps que l'écuyer Aubin de la ville Gilles, lequel chercha sa fiancée 3 heures durant pour aller à l'église et finit par trouver l'archer Belbon en 39 ou 38 plutôt, mais c'était sûrement avant l'an 40. Et l'archer Belbon n'en eut pas meilleure chance, car il fut marié et enterré dans l'année. « Eh bien !» s'écria le frère, en voyant Jeannin tressaillir comme un homme qu'on éveille. « Te voilà tout ébaudi, mon fils. Tu regardes l'eau couler, ma parole. et je me souviens qu'ici, à la même place, je rencontrai un soir Baudran de Passé auprès de Rennes, qui regardait aussi l'eau couler. Je lui dis, « Baudran, mon ami, combien de temps le roi doit-il rester encore au mont ?» demanda Jeannin brusquement. « Ah, oh !» fit Bruno, « le voilà qui m'interrompt comme tout le monde, petit Jeannin. J'ai vu le temps où l'on n'appelait point cela une politesse. Le roi ? Eh, tu as donc des affaires avec le roi, toi ? Tiens, regarde si tu as de bons yeux. Et je crois que tu as de bons yeux, oui. Le voilà qui chevauche au milieu de ses barons, là-bas. J'avais bien cru le reconnaître, pensa tout haut Jeannin. Quant à savoir le temps qu'il restera chez nous, ma foi non, mais je parie que je vais t'apprendre les nouvelles. Parmi ces autres chevaliers qui sont là sur la terre bretonne, vois-tu un casque sans panache à visière baissée ? Oui. C'est le duc François. Jeannin tressaillit une seconde fois, et ce mouvement répondait aux pensées qu'il absorbait naguère. Il se fit de la main un abat-jour et regarda attentivement. « Sur ma foi, dit-il, je crois que vous avez raison. C'est le duc. Il ne devait pourtant venir qu'après-demain, en sa ville de Dol. » Il baissa la voix et ajouta, en se parlant à lui-même, « Ce hasard qui avance son voyage, est-il un avertissement du ciel ?»« De quoi ?» fit Bruno. « Si tu parles entre tes dents, petit Jeannin, je ne t'entendrai pas, car je commence à durcir des oreilles, la gauche surtout, pour un coup de masse d'armes que j'y reçus en l'an 40 au siège de Cesson-sur-Vilaine. » « Le duc ici, pensait Jeannin, le roi là, un filet d'eau entre deux. » « Mais Dieu merci, reprit Bruno, ce n'est pas pour bavarder à l'aventure que je te cherchais, petit Jeannin. Dis-moi bien vite ce qui est advenu de ton entretien avec mon compère Gillot de Tours en Touraine, un brave homme, et qui a du crédit, car il lui a suffi d'un mot pour me faire donner la place de frère portier que je désirais, à cause de mes jambes qui ne veulent plus monter. « Ah !» dit Jeannin, qui le regarda en face, « vous êtes portier du monastère à présent, mon frère ?»« Depuis 8 jours, et figure-toi que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas pu mettre la main sur mon compère Gillot pour le remercier de ses bons offices. « Connaissez-vous le roi ?» demanda Jeannin. Bruno baissa l'oreille. Il lui en coûtait gros d'avouer qu'il ne connaissait pas le roi de France. « Écoute, petit Jeannin, dit-il, je connais tout le monde, on sait bien cela. Mais le roi, c'est comme un guignon, je ne l'ai jamais aperçu. » Il se rapprocha et prit l'homme d'armes par le bras. « Voyons, voyons, continua-t-il, va-t-on faire des mystères avec le vieux Bruno ? Le mariage avance-t-il ? Quel mariage ? Bon, bon, c'est une affaire d'État, je le sais bien, puisque c'est moi qui t'ai envoyé le compère Gillot. Je suis au fait, tu peux tout me dire. » « Mais je veux mourir, commença Jeannin. Nous mourrons tous, mon ami, ne blasphème pas. Je parle du mariage du dauphin Charles avec Madame Anne de Bretagne. » Jeannin tombait de son haut, il n'avait jamais entendu parler de ce prince ni de cette princesse. « À l'occasion de quoi, acheva Bruno, tu seras fait chevalier, mon fillot. C'est moi qui t'aurais valu cela, et tu t'en souviendras, car tu es un digne cœur. » « Mon frère Bruno, dit Jeannin, je crois que ce Gillot de Tours en Touraine s'est cruellement moqué de vous. Hein, moqué de moi ? Est-ce qu'on ne marie pas le dauphin Charles avec Madame Anne, fille du duc François ? On verra cela dans 20 ans, si Madame la Reine accouche d'un garçon et la duchesse Anne d'une fille, cette présente année, mon frère. » « Miserere, petit Jeannin, s'écria Bruno, si je pouvais penser que ce vilain râpé de Pierre Gillot... Chut ! Fit l'homme d'armes. « C'est moi qui vous vengerai, mon frère. Le Pierre Gillot est un personnage. Dites-moi, êtes-vous toujours bon compagnon avec Guy Le Griel, premier sergent des archers de Saint-Michel ? Nous sommes les deux doigts de la main. » Jeannin jeta un regard vers la terrasse de l'hôtel du Déron. « Eh bien, mon frère Bruno, dit-il, je suis forcé de retourner présentement vers Madame Rennes, qui m'attend. Revenez ici à 10 heures de nuit. Nous causerons. »« 10 heures, y penses-tu ? Est-ce que tu ne peux pas m'apprendre tout de suite ? Ce soir, ce soir. » Jeannin salua du geste et se dirigea vers le portail du Déron. Son front s'était éclairci. Une idée qu'il jugeait merveilleuse avait surgi dans son cerveau. Bruno se disait, le fait est que le dauphin Charles et Madame Anne de Bretagne sont encore bien jeunes. Mais en l'an 28, à Martigné-Ferchaud, Joël Douarin et Charlot de Lacoustre, qui étaient compagnons, se jurèrent le jour de leurs noces de marier leurs enfants. Et j'ai vu ces épousailles-là, au mois d'août de l'an 46. Le fils de Joël, la fille de Chariot. Un joli couple. Attendons, quand on vit, on voit. À l'hôtel du Déron, la terrasse regorgeait de nobles dames et de seigneurs. On s'y occupait beaucoup aussi des trois cavalcades. Berthe de Morvert et Jeannine s'étaient rapprochées. Elles suivaient de l'œil, avec une curiosité inquiète, la troupe des gens de Chauzet qui remontait en ce moment le cours du Couesnon et s'avançait vers la terrasse. En un certain moment, le vent déroula les plis de la bannière écarlate pailletée d'argent. Le soleil couchant faisait briller les lettres de la devise. On put lire ces quatre mots qui semblaient écrits en caractères de feu à la plus belle. Berthe et Jeannine échangèrent un rapide regard. Ce regard fut intercepté par un beau jeune homme au visage pâle et fier qui s'accoudait au balcon de la terrasse et qui fixait depuis longtemps sur les deux jeunes filles ses yeux noirs, ardents et hardis. Il eut un étrange sourire. Chapitre 22. Messire Olivier. Le beau jeune homme appuyé contre la galerie de la terrasse avait nom le baron d'Armois. Il faut que le lecteur nous pardonne de lui présenter si tard un si important personnage. Notre récit jusqu'à présent manque à proprement parler de héros, car Messire Aubry, Jeannin et Fierabras la Régnois ne sont pas romans. Peut-être ce brun et pâle Olivier, à défaut d'autre, nous servira-t-il de héros. Il paraissait avoir 25 ans tout au plus, bien qu'en l'examinant de près, on découvrit sur son visage quelques plis précoces et des traces de fatigue. Il était grand et portait avec une merveilleuse grâce sa riche livrée de chevalier. Le dessin de sa figure offrait tout l'opposé du type breton. Les pommettes s'effaçaient pour laisser l'angle frontal saillir hardiment selon le modèle germanique. Le nez était droit et fin, le menton se relevait en bosse, donnant à cette physionomie un peu molle une force soudaine et une expression de volonté résolue. Sa bouche et ses yeux se chargeaient d'adoucir ce que le bas de son visage pouvait avoir de trop rude. Sa bouche souriait comme la plus jolie bouche de femme. Ses yeux noirs, au regard ardent et profond, rêvaient et donnaient, hélas, à rêver. Il portait la barbe découpée à la manière des gens de l'Est, et ses cheveux, d'un noir de jais, tombaient en boucle sur son front. C'était déjà faire preuve d'esprit que d'éviter ces deux lourdes, roides et sottes masses de cheveux roux que les peintres collent à la joue de tous les malheureux qui vivaient en ce temps-là, les peintres de la couleur locale. Messire Olivier avait en conscience bien d'autres mérites. Il tenait la lance à miracle. Il était à cheval comme un dieu. Pour tout dire en un mot, les charmantes et nobles dames qui abondaient à l'hôtel du Déron n'avaient de regard que pour Messire Olivier, baron d'Armois. Or, les dames ne se trompent point. Celui qu'elles daignent remarquer est assurément remarquable. Il faut avoir cela pour dit. D'où venait-il cependant ce beau chevalier? On ne savait trop. Le XVe siècle n'était pas, à beaucoup près, si curieux que les siècles suivants. À une bonne épée, on ne demandait guère d'où sors-tu. Il n'y avait point d'intendants royaux pour éplucher les quartiers de noblesse, et d'osiers étaient à naître. Il est possible d'ailleurs que le baron d'Armois n'eût pas admis volontiers le droit d'indiscrétion. Il était gentilhomme, il se mêlait à la cour du roi de France. Le motif de son séjour à Avranches où il demeurait était sans nul doute sa dévotion à l'archange Saint-Michel. Nous disons qu'il demeurait à Avranches. Il y avait en effet sous le château un magnifique hôtel loué par lui et très richement équipé. Mais les fenêtres en étaient ordinairement closes. Le baron d'Armois allait, venait, personne n'aurait su dire au juste ce qu'il faisait ou ne faisait point. Nous n'affirmerions pas que ce grain de mystère ne fût pas pour un peu dans la vogue dont il jouissait. Quoi qu'il en soit, cette vogue était complète. Tous les hommes étaient à sa suite. Toutes les dames se disputaient son sourire. Madame Rennes se disait à le voir si parfait cavalier. « Ah, si seulement mon fils Aubry savait ainsi se porter, avec grâce, et plaire à tous !» Et Messire Aubry était un peu comme sa mère. Il ne voyait point de plus brillant modèle à imiter que ce bel Olivier, baron d'Armois. Vers 5 heures après-midi, les 1000 jeux qui animaient la plaine au-dessous de la terrasse du Déron firent trêve. En revanche, les cuisines foraines poussèrent leurs fourneaux avec violence. Des flots de vapeur noire et grasse s'élevèrent de toutes parts. C'était l'instant de la réfection. Les belles dames rassemblées sur la terrasse, n'ayant point de flacon de sel pour combattre l'effrayante odeur de marmite qui se répandit dans les airs, furent obligées de lâcher pied et de se réfugier à l'intérieur des appartements. On fit cercle, la collation fut servie. Le baron d'Armois était resté seul sur la terrasse. Il songeait. ses yeux demi-fermés noyaient leur regard à l'horizon. Des paroles confuses venaient mourir sur ses lèvres, mais personne n'était là pour l'entendre murmurer. « Berthe est plus belle, Jeannine est plus jolie. Laquelle est la plus charmante ?» Autour de la collation, l'entretien allait au hasard et revenait toujours à ces mystères impénétrables des îles Chauzet. La troupe de l'homme de fer, avec sa bannière étincelante et sa devise si heureusement trouvée selon les règles de la galanterie chevaleresque, occupait tous les esprits. Chacun disait ce qu'il savait sur l'ogre des îles, les légendes les plus singulières se croisaient. Le jour baissait, le crépuscule qui tombait produisait sur l'auditoire son effet ordinaire et mettait dans les poitrines une émotion vague. À mesure que l'obscurité augmentait, le cercle se serrait. Les voix devenaient plus sourdes, on frissonnait déjà, ce qui est bien aussi un plaisir. « Il y a quelqu'un ici, dit le seigneur du Déron à demi-voix, quelqu'un qui en sait plus long que personne sur la retraite du comte Otto Beringhem. Qui donc ? Berthe et Jeannine, toutes seules parmi les dames, ne formulèrent point cette question. Elles savaient peut-être de qui parlait le sire du Déron. Le sire du Déron promena son regard autour de la salle. Au lieu de répondre, il dit « Où donc est messire Olivier ?» Les dames n'avaient pas attendu cela pour s'apercevoir de son absence. On chercha des yeux, mais en vain. « Est-ce que messire Olivier connaît le comte Otto ?» demandèrent plusieurs voix de femmes. « On le dit, » répliqua le seigneur du Déron. « On dit vrai, » prononça une voix grave et douce qui fit sauter sur leur siège Berthe de Morvers et Jeannine. Le baron d'Armois était entre elles deux. Chacun le regardait désormais avec une sorte d'effroi, et le silence régnait dans la salle. « On dit vrai, » prononça une seconde fois messire Olivier, qui parlait bas et avec lenteur. « Je connais le comte Otto Beringhem. » Dame Joseph de la Croix-Mauduit recula son siège. « Est-il possible ? » fit-on à la ronde. « Vous plaît-il, mesdames, de savoir comment je l'ai connu ? » demanda le baron d'Armois. « Certes, certes !» Le cercle entier frémissait de curiosité. « Je vais donc vous le dire. C'était une nuit du printemps dernier. Je chevauchais tout seul dans les grèves, courbé sous cette tristesse des gens qui ont été trop tôt jusqu'au fond de la vie et qui n'espèrent plus parce qu'ils sont là de désirer. C'était grande marée. J'entendis la mer au lointain. Elle venait. Mon cheval souffla et voulut fuir. Je lui brisai les dents sous le mors. Il resta. J'attendis la mer. La mer vint grande et sombre comme je l'attendais. Je fus content, je me sentais vivre, maintenant que j'étais si près de la mort. « Je comprends cela, » s'écria Aubry. « Pas moi, » pensa Dame Joseph. Olivier poursuivit. Mon cheval se mit à la nage. Moi, je contemplais l'océan sourd, uni comme une glace, sans vagues, sans écume, et je pensais à tous les trépassés qui dorment sous cet immense linceul. « On ne meurt qu'une fois, » dit-on. « Moi, j'ai 25 ans. » Et je sais déjà comment on meurt par l'eau, par le fer et par le feu. J'ai été poignardé, j'ai été incendié, j'ai été noyé. Il fit un silence, et l'on entendit le bruit des respirations pressées. À droite et à gauche, Jeannine et Berthe s'étaient éloignées de lui. Aubry se sentait attiré invinciblement vers cet homme. Il se disait « Je serai son ami ». Madame Reine admirait aussi. C'est une chose curieuse, l'admiration arrachée aux gens trop sages par la folie. Madame Reine avait bien un peu de frayeur, mais moins elle comprenait les excentricités de ce mystérieux personnage, plus elle était subjuguée. Il n'y avait que la douairière de la Croix-Mauduit pour regarder le conteur avec froideur et défiance. Dans tout le reste de la salle, l'attention était vivement excitée. Parmi cette lumière sombre et vague que rendaient encore les grandes croisées ouvertes, la tête de messire Olivier apparaissait plus pâle et plus belle. « Mais ce n'est pas de moi que je veux vous parler, » reprit-il. La nuit était calme, les nuages qui couvraient la lune en tamisaient les rayons et rendaient l'obscurité visible. Mon cheval s'épuisait. Nous étions au nord du mont Tomblaine, à 1000 pas du rivage. Tout à coup, et je crois rêver encore quand j'y songe, le silence se remplit de sons harmonieux. Des voix fraîches et douces se mariaient aux accords voilés des luttes. Moi qui étais là pour mourir, je me demandais si ma dernière heure avait passé inaperçue et si j'avais franchi sans le savoir le seuil du monde inconnu. Les nuages glissaient au ciel, variant leurs bordures irisées. La lune se montra dans un petit lac d'azur et je vis à 100 pas de moi une barque pavoisée qui nageait comme un cygne sur l'eau tranquille. Mon cheval, qui n'avait plus de force, rendit un gémissement. Il se débattit. La mer passa sur sa tête, puis sur la mienne. Je m'éveillai dans cette barque pavoisée, dernier objet qui avait frappé mes regards. C'était la galère de plaisir du comte Otto Bellingham, seigneur des îles. On avait allumé des flambeaux. Tout autour de moi, c'était de jeunes et charmants sourires. Mais Sir Olivier s'arrêta encore. Il passa la main sur son front où ses cheveux noirs ruisselaient. Sa voix vibra comme un chant quand il poursuivit, sans prendre la peine de chercher une transition. Parmi les chênes énormes, derniers débris de la forêt druidique, anéantis par l'océan, un palais s'élève blanc comme la neige. L'œil se fatigue à compter les innombrables colonnes qui soutiennent les arcades de ses portiques, et quand le soleil de midi perçant le feuillage jaloux vient jouer dans cette forêt de marbre, on croit aux enchantements des poètes. Est-ce une relique des merveilles d'Hélion, la ville décédée? Si vous voulez y aller voir, demandez au matelot ce géant de granit, ce roc noir, dont le front sourcilleux apparaît quand on passe au nord de Chauzet. Les matelots appelaient ce roc l'homme de fer bien avant la venue du comte Otto dans nos contrées. C'est là, au pied de ce roc, dont la tête sévère ment, car sa base est enfouie dans les fleurs, c'est là que la barque pavoisée prit terre. Il n'est point au monde de lieu plus charmant. La mousse y est épaisse, le jour timide, l'air embaumé. Les flancs du rocher s'ouvrent à la cascade qui va chantant sur l'albâtre des cailloux, parmi les blanches anémones et les iris azurés. Le vent y souffle, tour à tour tiède et frais, toujours parfumé comme la laine même d'Anta. Anta, la beauté deux fois divine. Anta, la déesse des immortels caprices, à qui nos pères, les guerriers du Nord, offraient le sang des colombes. Anta, brune après le crépuscule du soir, blonde au jour, dès que le soleil vient baiser ses cheveux. En disant cela, messire Olivier regarda tour à tour Berthe et Jeannine, puis il reprit « Quand la lumière se voile, vers l'heure où nous sommes justement, quand souffle la brise tiède des nuits d'été, la base du roc devient un autel. Je l'ai vu, et j'ai vu les prêtresses de ce temple. Alma, la perle de Florence, Virgène, la topaze de Castille, Haïdée, dont le front est de bronze. » Toutes, elles viennent célébrer dans le sanctuaire mystique l'éternelle fête de la déesse Anta. Messire Olivier reprit haleine. Dans la nuit qui était tout à fait venue, certains voyaient briller étrangement la prunelle de ses yeux, d'autres croyaient ouïr un conte de fées. « Voir, dit cependant Dame Joseph de la Croix-Mauduit, ce qui se rapporte est donc vrai, et ce comte Otto Bellingham n'est pas un chrétien puisqu'il entretient sur son domaine pareille idolâtrie. Non, répliqua le baron sans hésitation. Ce n'est pas un chrétien. Alors, reprit la vieille douairière, pourquoi l'épée des chevaliers reste-t-elle au fourreau? Parce que les chevaliers ont peur, répondit encore messire Olivier. Il y eut un long murmure dans les ténèbres, et pourtant pas une voix ne s'éleva pour crier à messire Olivier qu'il en avait menti. On savait bien que l'homme de fer était protégé par Satan. Et demanda la douairière en hésitant un peu. « Est-il beau cavalier, ce païen-là » Les prêtresses, répliqua le baron d'Armois, qui compose le vivant collier de la déesse Anta, disent que jamais homme ne leva si haut un front mortel. Quant à moi, je n'ai point aperçu son visage. Son casque ne relève sa visière que devant la prière d'une dame. Mais qui sait? D'ici à peu de jours, quelque noble demoiselle du pays breton ou du pays normand saura peut-être faire mieux que moi le portrait du comte Otto en revenant des îles. » Cette fois, une voix s'éleva pour protester, une douce voix qui ne tremblait pas. « Les nobles demoiselles du pays breton, » dit Berthe, avec tant de calme que messire Olivier se mordit les lèvres de dépit, « ne reviennent pas de si loin que cela. Elles savent mourir en route, messire. » Madame Reine se leva et alla embrasser Berthe. Aubry ne bougea pas, il avait 18 ans. C'est l'âge heureux et dangereux. Le mot, pour les yeux de 18 ans, brille comme ces miroirs avec lesquels on prend les alouettes. Aubry était peut-être du parti de la déesse inconnue, contre sa mère, sa fiancée et Dieu. Messire Olivier se tourna du côté de Berthe et salua courtoisement sans répondre. « Voici maintenant, poursuivit-il, comment les bardes des îles racontent l'histoire du comte Otto Bellingham. » Chapitre 23 Teufelgau. Le père du comte Otto, continua messire Olivier, était le margrave Cornelius, qui fut brûlé pour fait de sorcellerie vis-à-vis du portail de la cathédrale de Cologne. Le comte Otto n'avait pas encore 15 ans quand il poignarda les 3 juges qui avaient condamné son père. Le premier, qui était Karl Spurzheim, procurateur du prince-évêque, fut tué sur les degrés de la cathédrale Liège. Le second, le chanoine Schwart, tomba sur le calvaire de Mannheim. Le troisième, l'archiprêtre Heinrich de Hellborn, fut mis à mort au pied de l'autel. « Horreur, horreur » disait-on tout bas dans le salon, mais on écoutait. Olivier, baron d'Armois, parlait d'une voix lente et froide. « Je vous transmets, noble dame, reprit-il, ce que chantent les trouvères des îles, rien de plus, rien de moins. Leurs vers sont harmonieux et leurs harpes sonores. La ville des lions, la cité mystérieuse qui obéit aux lois de l'homme de fer, ne veut point ouïr d'autre histoire. Quand le comte Otto eut tué les 3 juges de son père, il envoya le cartel des proscrits à l'empereur d'Allemagne et gagna les monts du Harz avec ses compagnons. Il y avait dans le Harz une jeune fille nommée Hélène. Elle était belle, le comte la prit pour femme à la face des chevaliers. La nuit des noces, Hélène s'endormit auprès de l'homme de fer et ne s'éveilla plus. La nuit suivante, le comte Otto coiffa son casque et sortit de sa retraite tout seul. Il allait avoir 16 ans. Entre les 2 plus hautes montagnes du Harz, le Hund et la Diege, se creusent cette fente prodigieuse que les bûcherons appellent Teufelgau, la vallée du diable. Le comte Otto y vint à minuit avec une fiole et un livre. Il avait fiché son épée dans le tronc du dernier arbre de la forêt. Il ouvrit son livre, un voile sanglant cacha la lune. Il versa sur la terre 3 gouttes de la liqueur contenue dans la fiole, la terre trembla. Le margrave Cornelius, son père, mort, passa devant lui sur un cheval dont les crins flamboyaient. « Salut, monseigneur !» cria le comte, « vous êtes vengé !» Puis il ajoute, « Monseigneur, je vous prie, est-il un paradis et un enfer ?» Le margrave était loin déjà. Cependant, le comte Otto l'entendit qui répondait, « Il est un enfer !»« C'est bien, dit-il, alors Satan existe, je veux le voir !» Il appela Satan par 3 fois dans la nuit silencieuse et profonde. Les tombes du cimetière d'Arao, qui est au versant de la montagne, rendirent des gémissements. Le vent plia les cimes des arbres, et la nue déchirée lança un tonnerre, mais Satan ne vint pas. Le comte se dit « Satan a peur de moi ». Il lacéra les pages de son livre et les foula aux pieds. Il brisa la fiole contre un quartier de roc et reprit son épée. À ce moment, la lune blanche reparut dans l'azur du ciel, et le comte Otto vit, sous le dernier arbre de la forêt, une femme endormie. Elle était si belle que le comte Otto sentit fléchir ses genoux. « Satan ne m'a pas répondu, pensa-t-il, si je parlais à Dieu. » Il est dans Harz une grotte bénie, où saint Gunther a laissé ses eaux. Un ermite jeûnait et priait dans cette grotte, le cilice au rein, la croix sur la poitrine. Il avait nom Rudolf le Pieux et faisait des miracles. Le comte Otto se mit en selle et tourna la tête de son cheval vers la grotte de l'ermite. Mais savez-vous, Satan a une fille. Quand Satan est absent et ne peut répondre aux conjurations des mortels, sa fille vient à sa place. Satan était quelque part au-delà du Rhin, présidant un conciliabule de francs juges et faisant une pointe au poignard qui tue les rois dans l'ombre. C'était la fille de Satan qui était couchée sous le dernier arbre de la forêt. Elle entendit peut-être que le comte Otto prononçait le nom de Dieu dans son cœur. D'un bond, elle se plaça au devant du cheval, et jetant une guirlande de fleurs autour du cou de Beringhem, elle l'entraîna loin de l'ermitage. Rudolf le Pieux sonna sa cloche, sentant qu'il y avait une âme en peine aux alentours. Mais la fille de Satan sauta en croupe derrière Otto et se mit à chanter. Otto n'entendit pas le son de la cloche. La fille de Satan lui donna une aiguille en métal rouge, 100 fois plus précieux que l'or pur, puis elle le conduisit au plus profond du Teufelgau, à un endroit où il n'y avait ni un buisson, ni une touffe de bruyère, ni un brin d'herbe. Les cimes des 2 montagnes, le Hund et la Diege, dominent ce lieu et surplombent de chaque côté, ne laissant voir qu'une bande du ciel. Un trou rond, en forme de puits, s'ouvre sous une roche noircie par la laine des maudits, car ce trou est la porte de l'enfer. « Vois-tu le trou, seigneur comte ?» demande la fille de Satan. Il faisait si noir que le comte Otto ne voyait pas même ses pieds. La fille de Satan étendit sa main droite vers le Hund, sa main gauche vers le Djege. Les cimes des deux montagnes s'allumèrent comme deux énormes flambeaux. « Je vois le trou, » dit le comte avec calme. Il n'avait pas peur. La fille d'enfer reprit. « Quand tu voudras voir Satan, ne t'embarrasse pas de conjuration ni de grimoire. Pique la grosse veine de ton bras gauche avec l'aiguille que je t'ai donnée et laisse tomber une goutte de ton sang dans le puits en disant « Aïram ».« Aïram », répéta le comte Otto pour graver ce nom dans sa mémoire. Les deux montagnes s'éteignirent et fumèrent comme deux souches de bois vert qui ont cessé de flamber. La fille de Satan avait disparu. Le lendemain, dès que la brume tomba, le comte Otto prit le chemin de Tefelgao. La lune était sous de grands nuages noirs. Le comte eut peine à retrouver le trou qui est la porte de l'enfer. Quand il l'eut trouvé, il mit son oreille contre terre. Il entendit bien le fracas de la ronde éternelle que les damnés dansent autour du trône de Satan. Il se piqua la grosse veine du bras gauche, une goutte de sang tomba dans le puits, d'où s'élança un tourbillon de vapeur. Le comte respira cette vapeur et devint ivre, il cria pourtant « Aïram ». À ce mot, un formidable éclat de rire éclata au-dessus de sa tête. Le comte Otto leva les yeux, il vit sur le ciel embraser soudainement une colossale silhouette qui se détachait en noir. Le géant était debout, son pied droit s'appuyait à la cime du Hund, son pied gauche au sommet de la Djege, le Tefelgao passait entre ses deux jambes écartées. « Es-tu Satan ?» demanda le comte Otto. Le géant répondit « Je suis Satan ». Sa voix fit trembler les deux montagnes sur leur base, mais le comte Otto ne trembla pas. Le roi du mal lui demanda « Que veux-tu » « Je veux, » répliqua le comte, que tu me montres l'endroit où est tout l'or de la terre. » Satan courba son échine puissante, sa large main saisit le comte Otto par la ceinture et l'enleva dans les airs. Puis il déploya ses grandes ailes qui frappaient l'air avec le bruit de la foudre. Son vol, plus rapide que la pensée, laissa derrière soi le Harz et se dirigeant au sud-est, franchit la Bohême, les monts Carpates, tout blancs de neige, la Hongrie et le pays des infidèles. La mer Noire était sous ses pieds. Des nuages où il était, il se laissa tomber dans les flots qui s'ouvrirent comme pour la chute d'une montagne. Au fond de la mer Noire, il est une voûte immense, bâtie de jais et de porphyre sombre. Cette voûte descend, spirale mystérieuse et infinie, jusqu'à ce lac de feu qui est le noyau de la terre et qui est l'enfer. L'eau de ce lac, c'est l'or vif en fusion. Par d'étroits canaux, cet or monte et s'infiltre çà et là jusqu'à l'écorce du globe. Ce sont les mines. L'enfer est d'or, et tout l'or vient d'enfer. Satan posa le comte Otto sur la rive ardente du lac et lui dit « Es-tu content ?» Les yeux du comte battaient, éblouis. Cependant, il répliqua « Non, je ne suis pas content. Pourquoi » « Pourquoi ?» demanda le père du mal. « Parce qu'il n'y a pas assez d'or. » Satan regarda le comte avec admiration. « Ma fille m'avait bien dit que tu valais 13 réprouvés, à toi seul, » s'écria-t-il. « Ce lac est vaste pourtant. » « Il a des bornes. » « Tout a des bornes. » « Mon désir n'en a pas. » Satan battit des mains, puis il demanda encore au comte Otto « Que veux-tu ?»« Tout a des bornes, » répondit le comte, « excepté la passion de l'homme. Je veux que ma passion soit la mesure de mon opulence. » « Alors tu veux faire toi-même de l'or ? Je le veux. » Satan réfléchit longtemps. « J'ai promis à ma fille de faire tout ce que tu voudrais, » dit-il enfin. « Mais je suis obligé de le proclamer moi-même. Il n'y a qu'un créateur. »« Alors, » repartit le comte, « ramène-moi au Tefelgao, que j'aille me prosterner au pied des autels où l'on adore le créateur. S'il est tout, tu n'es rien. » Satan réfléchit une seconde et plus longtemps. « Écoute. » reprit-il comme malgré lui, on fait de l'or avec du sang. Le sire Olivier essuya quelques gouttelettes de sueur qui perlaient à son front et poursuivit. Satan dit encore au comte Otto, bien loin vers l'ouest, au rivage de la Bretagne, il est une ville morte qui se nommait Lyon. Dans les ruines de cette ville habite un vieillard deux fois centenaire qui a le secret de la sublime science. Deux mortels ne peuvent pas connaître à la fois ce mystère, c'est la loi. « Va, prends-lui son secret, tu seras mon maître. » « Pour lui prendre son secret, » demanda le comte, « faut-il sa mort ? » Il faut sa mort, répondit Satan. Le comte Otto passa le Rhin, traversa la France et vint au pays de Bretagne. Il cherchait une ville morte qui avait nom et Lyon. Personne ne sut lui dire où était cette ville. Il visita Belle-Île, la petite mer, Morbihan, Quiberon, Groix, Glénan, la pointe redoutable de Pinmar, Saint, la païenne, le bec du Raz, où la mer tourmentée et folle lance son écume jusqu'au ciel, Ouessant, la reine des tempêtes, Abervrach, l'île de Bas et Saint-Paul, les sept îles, Bréa, Fréhel, Saint-Malo, le rocher vaillant, Cancale, la gracieuse cité qui regarde en riant le grand tombeau des grèves. Nulle part il ne rencontra Élion, la ville morte. Une nuit, derrière le mont Saint-Michel, le brouillard couvrait la mer montante. Otto sauta dans une barque et rama vers le large. Quand le brouillard se leva, il aperçut au loin une lueur sur la mer. Otto tourna la proue de sa barque vers cette lueur. Il prit terre dans la plus grande des îles Chausey. Il vit des arbres séculaires, des rochers couverts de mousse, des grèves désertes. Partout la solitude et le silence. Comme il se demandait d'où pouvait venir cette lueur qu'il avait aperçue, une horloge invisible sonna les 12 coups de minuit. « Aïram, Aïram !» s'écria le comte Otto en frappant du pied la terre. Un vieillard à longue barbe blanche était devant lui, et le comte Otto vit bien, à ce moment, parmi les grands arbres, des arcades brisées et ces hautes colonnes de granit rose qui entouraient le temple du soleil dans la ville d'Élion, quand Élion était une ville vivante. Le vieillard dit au comte Otto, « Je t'attendais, ma fosse est creusée là, sous l'île de Belle. Tue-moi, mon fils, c'est mon dernier soupir qui dira mon secret. » Le vieillard entr'ouvrait sa robe de lin pour montrer la place de son cœur. Le comte Otto tira son glaive. Ici, Messire Olivier se tut parce que les portes de la salle s'ouvraient pour donner passage au valet du Déron qui apportait des flambeaux. La lumière des flambeaux éclaira le cercle, haletant et saisi. Hommes et femmes penchaient en avant leurs têtes attentives où la passion de savoir le disputait à l'horreur. Nous devons avouer pourtant que Dame Joseph de la Croix-Mauduit s'était endormie et rendait un ronflement de qualité seconde, la première qualité étant réservée au suzerain pour peu qu'il daigne ronfler. La belle figure impassible et fière de Messire Olivier dominait le trouble de l'assemblée. Il promena autour de lui son regard souriant et acheva la phrase commencée. Le comte Otto tira son glaive et le plongea dans le cœur du vieillard. Fin de la section 11. Fin de « À la plus belle » par Paul Féval, père.